Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+. Pierre au micro pour une demi-heure avec les artistes de la région. J'ai même envie de dire de la grande région. Coucou à nos amis à Reims, coucou à nos amis en Alsace, à Strasbourg et partout ailleurs. Et nous sommes justement avec des Strasbourgeois, des Alsaciens. Ils n'y peuvent rien, ne leur en voulez pas. Ce n'est pas de leur faute, mais ce sont des artistes et ça commence bien. Si un animateur est tué avant la fin de l'émission, veuillez prévenir les autorités compétentes, bien sûr. Je rigole. Nous sommes avec Amor Blut. Yes. Salut Pierre. Salut Manu. Salut. Il y a deux Pierre durant cette émission. Il y a Pierre de Amor Blut. Oui. Et il y a Pierre. Et il y a Pierre de Fadjet, animateur. De Fadjet. Et nous sommes avec Emmanuel. C'est toi en fait, Amor Blut. Yes. Oui. C'est ton nom de scène. Oui. Ouais. Ouais. C'est bien. Parce que Emmanuel. Le nom de famille. Emmanuel, ouais, il y a moyen de trouver un truc derrière. C'est déjà pris. Le nom de famille, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un mec qui. Emmanuel Noir. C'est juste Emmanuel. Emmanuel Noir. Ouais. Moir. Moir, oui, Noir. Ouais. Il y a peut-être un Noir, pardon, je ne sais pas. Quoi hein Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel, c'est bon, c'est pas grave. Chanteur, guitariste, porteur des projets, c'est déjà le bordel. Il est en train de rigoler, alors je vais passer à Pierre le temps qu'il reprenne ses esprits. Pierre, clavier. Oui. Orgue. Oui. Chant. Oui. Bonnet. Bonnet surtout. Ouais, parce qu'il a un bonnet. C'est pas très radiophonique, on prendra une photo. Non. Ah non, c'est pas très radiophonique. Quoique, on met des bonnets sur les micros aussi, des fois. On met des bonnets. Des bonnettes. Des bonnettes. Des bonnettes, attention, c'est le féminin. Du bonnet. Ah. Ouais, Amor Blut, c'est déjà 3. Non, 4. 4 EP. 3 EP, un album. 2 EP, 2 albums. Ouais, ouais, déjà. 4 projets. Déjà. On a EP 001. Mm-hmm. Emmanuel, je suis désolé, manque d'inspiration. Carton rouge, sorti en, 2013. J'aime bien. C'est pas bien d'appeler les numéros? Genre Led Zeppelin, on disqualifie tout là? Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, je rigole. EP 001, Kilimanjaro, sorti en 2015. Fin 2014. Fin 2014, ouais. Qui est travail de journaliste, zéro. Et Ta jalousie est un drone, en 2017. J'adore ce titre. On dirait un titre de film d'auteur un peu perché où tu sais pas du tout de quoi ça va parler dans le film. Un petit peu ça. Ok, c'est le mot, c'est l'onomatopée de cette émission. Et puis Hypermonde, sorti cette année, le 20 octobre sur SoundCloud. En tout cas, c'est la date qui est affichée. Oui, c'est ça. Attention, ouais. Attention. Oui, oui. Et le 14 novembre en CD vinyle. Dans les eaux là. Le 14 novembre en CD vinyle. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Le 10 novembre. Non, le 10 novembre, ouais. Ouais, mais ta publication Facebook, elle date du 14. Ah bon? Ok, Tu vois, Pierre, tu vois. Je suis un mec décalé. De quoi ? On peut vraiment pas faire son travail normalement. Ah. Hypermonde, non mais je plaisante, je vous taquine, taquin. Amor Blut et pas Armor Blut, qui est un jeu sur mobile. Et non, mais, je dis ça, mais c'est super important. C'est vrai ? Ah oui, il y a un jeu qui s'appelle Armor Blut sur mobile. Et la première fois que Bérénice, qu'on embrasse, qui m'a donné ton contact, j'ai tapé Armor Blut parce que je ne sais pas lire et je ne te trouvais pas. Ok. Et par contre, voilà, j'ai trouvé un jeu mobile. C'est quoi comme jeu? Hack and Slash. Ok. Et c'est cool ou? Je sais pas, moi j'ai vu ça une fois, puis après j'ai passé à autre chose. Faut que j'essaye. Faut essayer, effectivement. Demander un partenariat. Voilà. Oh bah, pourquoi pas. Avec le R en moins. Amor Blut, tu es sur SoundCloud, Facebook, il y a un Bandcamp. Il faut. YouTube avec des clips. Et dont notamment le clip des morceaux Sur Homme et Sur Quel Pied Danser. Et Gourou et Sorcière. Et Gourou et Sorcière. Donc nous, on écoutera Sur Homme et Sur Quel Pied Danser durant l'émission. Parce que, chers auditeurs, vous le savez, il y a 3 morceaux à chaque fois qui sont diffusés. On n'y coupe pas. Et on est là pour présenter ton projet. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que vous n'êtes pas un groupe de métal. Mais justement, mais c'est bien. Justement, ça change. La première chose que je me suis dit en écoutant, en tout cas, les morceaux du dernier EP, c'est que la basse, elle était là. Que c'était funky et groovy. Je ne sais pas si tu es d'accord, Emmanuel. Oui. Il y a un truc quand dans même. Dans le nouvel album, il y a beaucoup plus de place qui a été laissée au groove. Et voilà. Enfin, dans la section rythmique, je voulais quand même une forte influence un peu Motown, en fait. Il y avait un truc comme ça. Il y avait cette envie, je sais pas si ça te parle un peu, de la soul des années 60, en fait. C'est le studio qui a enregistré tous ces groupes-là. D'accord. Et voilà, d'avoir un basse-batterie qui fonctionne très bien déjà en lui-même. Qui pète bien, ouais, franchement, ça, Il y a un côté un peu funky, des espèces de sections cuivre derrière sur certains morceaux qui appuient. C'est plus des synthés, je pense. C'est des synthés, mais ouais. Ça me donne ce sentiment-là de puissance un peu section cuivre, tu vois. Yes. Mais je sais que c'est des synthés. Ouais. T'es pas obligé de me juger là directement. Je juge pas. Putain, pardon. Oh là là, on est sur une heure à grande écoute avec Amorbit et je dis déjà des gros mots. Il ne faut pas faire ça, aux auditeurs. Alors, tu es avec Pierre, qui est ton musicien de scène mais aussi de studio. Oui. J'imagine. Ouais. Et il y a une. ouais. Enfin, de studio. Il a enregistré sur l'album. Pas pour ce disque-là. Non, là, j'ai bossé seul en studio principalement. Seul. Pierre, il est arrivé plus dans l'élaboration du live. Et voilà, j'ai cherché des personnes pour. Pour jouer sur scène, quoi. Pour jouer les arrangements en live. Oui. Et voilà. C'est ici qu'est apparu Pierre. Pierre il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'est pas trop dur de devoir s'approprier tout un truc qui a été monté. Non, ça va, c'est cool parce que tout est déjà écrit, donc il y a plus qu'à jouer. Quoi. Oui, donc, t'as pas besoin de te prendre la tête en disant oh là là. Oui, oui. Très bien, très non, bien. Non, c'est pratique. C'est. Est-ce que vous avez d'autres copains là, à citer puisque vous serez plusieurs. Ouais, alors il y a Hugo Turon à la deuxième guitare et le au cœur. Salut Hugo. Il y a Anthony Blondel à la basse. Le Blondax. Et Jérôme Spieldener à la batterie. Le Spiel. La forteresse. Ils ont tous des surnoms. C'est magnifique. La release party, ce sera le 22 décembre. Oui. À Strasbourg. À Strasbourg. À la Maison Bleue. À la Maison Bleue. Avec des premières parties. Oui. Plein de premières. Mais c'est même pas des premières parties. C'est juste des groupes, des potes. Et on fait une super soirée tous ensemble. Voilà, il y a genre 6 groupes en tout, il me semble, ou un truc comme ça. Je sais même plus combien, mais il y en a beaucoup. En tout cas, c'est des artistes pour qui j'ai beaucoup de respect à Strasbourg. Mélissa Weikart, qui fera son premier concert en groupe. Clément Visage aussi. C'est son vrai nom de famille ? Non. D'accord. Ça aurait pu, c'est vrai, mais non. Il y a Mouse DTC, Salle TV et un DJ set de Unai Sadai. Ok, voilà, donc ça promet une belle. Complète. Ça promet une belle soirée. Ouais. CD vinyle, c'est 23€, je crois, oui, les deux, ouais. En vente. Et l'album numérique, c'est 7€ oui. Via Bandcamp et sur les plateformes afférentes, puisque tu es également sur Deezer, Spotify. Ouais. Toutes ces bonnes crémières-là. Pour faire de la musique, j'ai tendance à dire que le travail demandé, le talent demandé, parfois nous oblige à nous dépasser et à devenir des surhommes. Et c'est justement le titre du premier morceau que l'on va écouter sur Homme qui est clippé sur YouTube. Alors, je vais te poser une question, je vais vous poser une question. En général, il y a deux écoles à cette question. Cette question, c'est de quoi parle le morceau que l'on va écouter. Alors, soit on me répond, bah, les auditeurs, ils ont qu'à écouter. Et du coup, tu vois, je rentre chez moi, je me mets en PLS dans mon lit, je réfléchis au sens de l'existence et je vais très mal. Ou alors, on me dit, bah, on va teaser un petit peu. Bah, donner une petite information. Et dans ce cas-là, je rentre chez moi, mais je me mets quand même en PLS dans mon lit, car je vais très mal. Ok. Sur Homme, de quoi ça parle ? Le morceau, il parle du fait de rencontrer une nouvelle personne dans le contexte sentimental, on va dire, et d'avoir envie de dire à cette personne que malgré le fait que on commence à être attaché à cette personne et voire à tomber amoureux de cette personne, on va pas changer son caractère. Ni s'adapter à ce que la personne en face attend. Donc rester soi-même, en fait. Il y a un truc de ok, on entre dans une relation, mais je ne vais pas me changer pour toi, j'ai envie de rester comme je suis. Voilà. Ma chérie, cette chanson est pour toi. Je ne changerai pas sur de Amorblitz, issu de son album Hypermonde. Vous êtes sur Fadjet dans Couleur Locale, vous y êtes bien. Restez-y! Thank you. chercher l'amour entre amoureux. Non, je dis pas que tout ça c'est fini, je dis pas. Nos regards croisés, laser fumé, détonateur. En goûtant ses lèvres délicates, résurrection à l'intérieur, et plus que du love dans mon secteur. De Amor Blitz, mon invité aujourd'hui, Emmanuel, porteur de projet Tu es Amor Blitz, tu es avec Pierre, ton synthétiseur, pianiste, organiste, trompettiste, maçon, peintre en bâtiment. Ah ouais. Sur Homme, issu de l'EP, de l'album Hypermonde, que l'on peut acheter via ton Bandcamp, je pense. On peut passer comment via ton Bandcamp? C'est ouais, uniquement ouais, par Bandcamp. Uniquement par ouais. Bandcamp. Et peut-être sur le site du label, Octobertone. Octobertone. Ouais. Ok. Ça va toujours? Bien sûr. Nickel. Ouais, nickel. Et à moi, fond. Est-ce que je vais bien? Ben, je te le demande, Pierre. Eh ben, je vais bien. T'as l'air d'être beaucoup. En forme, Pierre. Je suis en forme, je suis au chômage officiellement depuis quelques semaines et ça fait un bien fou. Chers merci. Chers auditeurs, mais je ne vous invite pas à vous mettre dans des situations compliquées. En tout cas, je vous invite à écouter Fadjet Couleur Locale tous les samedis à 13h, les dimanches à midi. Bon appétit ou bon apéro avec modération. Nous sommes avec Amor Blitz, Emmanuel et Pierre pour une demi-heure d'émission encore. On continue si vous avez raté le début de l'émission et que vous êtes là. Oh, il y aura un podcast sur le site de Fadjet.net et évidemment sur Spotify for podcasters. Yeah. Pierre Merciol, Radio Fadjet, quelles sont vos influences, mes chers amis? Quels sont les grands groupes, les grandes personnalités de la musique qui façonnent ce que vous faites? Alors, les références que j'ai, on va dire, je pense qu'il y a dans la musique d'Amor Blitz, il y a une espèce de dualité entre les influences francophones pour les paroles et l'écriture des voix. Parce que c'est en français. Absolument. Et la musique qui est là beaucoup plus nourrie et inspirée de références anglo-saxonnes et américaines. Donc là, pour les choses récentes, je vais parler de Unknown Mortal Orchestra, de Ariel Pink, de un peu d'Element Twigs. Pour les anciens, je sais pas, il y a Todd Rundgren, par exemple. Tout ça, c'est des artistes qui font un peu une espèce de de pop alambiqué, orchestral, mais ça reste quand même easy listening derrière. Et c'est un peu ce que je vise. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué à écouter. C'est de l'indie pop. Oui, ouais. Mais les structures sont travaillées avec précision, quoi, on va dire. Et au niveau de la voix, pour l'écriture des paroles, ce sera plus. J'aime bien. Jul. Non. Mais après, je respecte Jul à fond, mais moi, c'est plus Alain Souchon. J'aime beaucoup Serge Gainsbourg aussi. Je pense que c'est principalement William Scheller aussi. Mais vraiment, là, c'est purement au niveau des paroles, hein, pas, c'est moins musicalement. Et la moustache. Bah, la moustache, c'est plus mon papa, ça. Qui est ce la moustache? La moustache? Ouais, non, mais William Scheller, il a des belles pochettes d'albums avec une belle moustache. Mais le père de Manu aussi, apparemment. Beaucoup de personnes rencontrer. Dans ma famille ont la des moustaches. Moustache. Oui. La moustache vous la inspire. Grand-mère. Ma mère aussi. Belle moustache. Mais elle a le droit. Hein. La nounou, le voisin, la voisine. De belles inspirations, de belles influences qui ont évolué, je crois, au terme des projets qui sont les tiens, parce qu'on rappelle qu'il y a déjà quatre albums qui sont sortis. Bah, en disant que, en tout cas par rapport à l'album précédent, qui était plus dans une espèce d'urgence un peu rock et plus spontané dans l'intention, là j'ai eu envie de ralentir un peu le rythme et de partir sur des trucs plus groovy, plus lent, plus planant, de laisser... je sais pas, de vouloir poser une ambiance en fait, un peu d'accord. plus tranquille aussi. Une ambiance à l'aide d'arrangements orchestraux, des cordes, des orgues. Plus de groove, des flûtes, également. Comme on vient d'entendre, plus de groove. Des mélotrons, mais orchestral en fait. Orchestral, ouais. Magnifique. Ça doit être du pain béni pour toi, Pierre, ouais, de reprendre cool. ça, c'est cool. Ouais, ouais. Tu t'amuses sur ton synthé avec rechercher les sonorités. C'est ça, bon, on s'est amusé ensemble. Mmh. Je joue toujours sous contrôle du. Le superviseur. Mais parce non, qu'il mais faut oui, que mais ça sonne, que... il faut que ça sonne voilà, sur faut, scène. Il faut que ça sonne surtout comme ce qu'il a en tête. Et ouais, il y a un beau travail de recherche sonore qu'on a pu faire. Il a dégoté un orgue, un Vermona. C'est un vieil orgue type Farfisa, genre orgue électrique des années 70. Ouais. Qui a un petit vibrato sympa naturel. Enfin, naturel. Voilà. qui est intégré, ouais. quoi. C'est pas une pédale qu'on rajoute. On a compris. voilà. Et j'ai un petit synthé au-dessus pour tout ce qui est mélotron, des effets comme ça, et plus les percus, plus le chant. Et. On arrive à rajouter des épices dans ce mix grâce à ça. C'est Monsieur Épice pour le projet live. Exactement. On peut dire ça. Ouais. Pierre est une épice. Pierre est une épice. Je suis pas, je mets les épices. C'est un être humain avant tout. Je suis devant une étagère d'épices et il faut que je sélectionne laquelle va avec quelle chanson. Et... Non, mais c'est intéressant parce que là, on a une dynamique studio qui doit être rendue en live. Ouais, c'est ça. Mais avec ta touche. J'imagine aussi, Pierre. Ouais, je sais pas si j'en ai une. Il est en train de suer en mode. Non, ça va. je sais pas si j'ai une touche, mais j'essaye plutôt de coller le plus possible au style et à l'esthétique qu'il veut retransmettre. Sinon, attention. Mais ouais, mais c'est même pour moi. Enfin, je serais pas content en fait de. Non, mais bien sûr. De pas bien faire le travail. Donc, les morceaux, ils sont beaux comme ça. J'ai envie de les rendre comme ça aussi. Voilà, j'ai pas envie de dénaturer le truc juste parce que c'est moi qui suis derrière les claviers et pas Manu. Donc. Mais. Quand on crée, alors voilà, quand il y a cette nouvelle dynamique qui se crée, on part d'un projet studio, on arrive sur un projet live parce que déjà nous, on a envie de t'entendre. Enfin, moi en tout cas, je kifferais entendre ça en live. Mm-hmm. Et du coup, on se constitue une équipe. Et en plus, ton équipe est là. Donc, une partie de Pierre est là. Donc, c'est cool. Il participe à la promo. Il participe. Tu lui donnes la parole. Bravo. Il y a une direction claire. Mm-hmm. Et ça, j'aime bien dans la musique. Il faut aussi un peu de rigueur. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de rigueur, parfois, on ne sait pas sur quel pied danser. Oh, et ça, c'est compliqué. Et c'est le titre du deuxième morceau qu'on va écouter. Alors, ça parle de quoi ? Sur quel pied danser ? Ça parle de communication, on peut dire, conflictuelle ou brumeuse entre les personnes. Entre des personnes. Peu importe le type de relation, mais voilà. En gros, c'est principalement. Communiquons ensemble, mes chers auditeurs, sur Fadjet, dans Couleur Locale, le 94.2 à Nancy, Hot d'Aplus et sur Fadjet.net. On écoute Sur quel pied danser, issu de l'album Hypermonde de Amor Blitz. sais pas si je vais faire le feu, à persister sur ce naufrage. L'épée de Damoclès ne tombera plus sur moi. Quel pied danser issu de l'album Hypermonde de Amor Blitz, Emmanuel Amor Blitz, chant guitare accompagné par Pierre, son synthétiseur claviériste, organiste peintrant, bâtiment, tondeur de chien à ses heures perdues. Organier. C'est mon activité principale. C'est ton activité principale. Sur quel pied danser? Nous sommes également en présence de stagiaires, puisque Fadjet fait la promotion du stage. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Fadjet reçoit des stagiaires, des services civiques aussi. Voilà, la jeunesse, c'est un peu notre créneau. Et nous sommes avec Basile. Bonsoir, enchanté. Je me trompe complètement d'heure. Je suis décalé. Tu peux mettre encore plus de temps à te rapprocher du micro. On a failli s'endormir. Tu vas bien? Ah bah ça traite bien les stagiaires, ah en fait, Jet, dis donc. Franchement, on est vraiment des enfants. Bah franchement, ouais. C'est bien. Ça se passe très bien. Je passe un super stage depuis le début de la semaine. On me demande que des trucs intéressants. On te demande des trucs intéressants, mais tu as aussi des choses intéressantes à dire, puisque tu as fait une remarque pendant qu'on écoutait le morceau. Ah, j'ai juste un peu associé le solo de guitare à différents solos de Queen qu'on peut écouter sur leurs albums, parce que... Je ne saurais pas comment décrire, je ne sais pas quel terme vous utilisez, vous, mais... Utilise les tiens, il n'y a pas de mauvais mot pour décrire la musique. Non, mais juste la manière dont ça sonne, la guitare, dont vous la laissez traîner un peu sur les notes comme ça. Non, mais il y a un phrasé musical qui est similaire à Brian May, enfin c'est un peu... ça a été une inspiration ouais, pour ce solo en tout cas. D'accord, bah, ça s'entend et c'est cool. Super bienvenu. Et ben, top. Nickel. Eh bien, merci Basile pour ce point technique, musical, influence, inspiration que je n'aurais pas entendu puisque je ne vous écoute pas, mes amis. Moi, je suis juste là pour faire le show. Bravo Pierre. Bravo. Mais c'est pas grave parce que tu pourras écouter cet album chez toi en rentrant sur Spotify, Deezer ou l'acheter sur Bandcamp même. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, on fait mon boulot à ma place. Merci Pierre. De Pierre à Pierre, à Amor Blitz, c'était un plaisir de vous avoir reçu. On va se quitter en musique, mais avant de se quitter, j'ai envie de savoir où on vous entend prochainement jouer. C'est la release party de l'album le 22 décembre release à Strasbourg, party. À la Maison Bleue, donc avec les invités dont on a parlé précédemment. Et là, pour l'an prochain, on est en train de booker plusieurs dates. Pas de dates qui ont été confirmées pour l'instant, mais ça va arriver mais c'est rapidement. En cours. En tout cas, la principale, c'est le 22 décembre. Le 22 décembre. Et on vous invite, chers auditeurs, alors qu'on va se quitter tout doucement avec Feu Sacré, qu'on entend en fond. Et désolé, j'ai pas fait de transition. Pour celle-là, parce que j'aime bien pour des une fois changer un sans peu. Sans transition. Et là, on a une guitare funky derrière. Ouais. C'est ce que je disais. On va vous inviter évidemment à aller sur Bandcamp, Spotify, Deezer, à acheter le CD, le vinyle. Le vinyle, quoi, c'est cool ça. Vous suivez sur Facebook, il n'y a pas un Instagram, quelque chose aussi? Si, Amor Blitz sur Instagram. Amor Blitz sur simplement. Instagram. Ouais. Super. Et évidemment, suivre sur les réseaux, apporter votre soutien. Et puis, si vous êtes des bookers, si vous avez une salle de concert, un bar, un restaurant, que vous avez besoin d'une musique qui est à la fois poétique, mais en même temps entraînante, qui casse certains rythmes, qui est groovy. mais douce, rock, pop, indé, eh bien, on boucle à Morblitz. Qu'est-ce que vous en dites ? Très bien résumé. On peut passer ce petit message aux organisateurs ? Ouais, à fond. Et pour vous contacter, il y a une adresse email, je pense que je peux la donner, elle est sur son site. Donc c'est amorblitz@gmail.com. Et voilà. Top. Merci, merci Emmanuel. Merci à toi. Amorblitz, merci à toi, Pierre aussi, pour cette interview. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau Couleur Locale. Toujours samedi 13h, dimanche à midi. Le podcast ce soir à 18h. Si je n'oublie pas, dimanche soir, pardon, puisque on est peut-être samedi quand vous nous écoutez. Dimanche soir à 18h, si je n'oublie pas, sur Fadjet.net et Spotify for Podcasters. Oui, Pierre. Il faut remettre la chanson du début, là, on est déjà dans le premier refrain. J'en ai rien à faire. Oh là là. C'est le principe, tu vois, c'est le fond. Et tu sais pourquoi ? Parce que du coup, ça va les obliger à réécouter. À réécouter. Oh, ouais, et oui, vous avez entendu que ma voix. Allez, on se laisse avec le reste de Feu Sacré et on se retrouve sur les ondes. À bientôt. Merci encore. Ciao.